Bosco, d'Ouiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 21 avril 2022. Voici les grands titres de cette édition. Un hippopotame errant depuis quelques semaines fait plus de peur que de mal aux habitants de la série de Boumnes du quartier Boutérire. Un reportage à suivre. Et 17 jeunes Burundais sans papier ont été refoulés du Rwanda dans l'après-midi de ce mercredi. Et les femmes rapatriées de la colline Guibikara en commune Busoni réclament une assistance en tôle pour avoir accès à un logement décent. Ils ont exprimé ces doléances lors d'un entretien avec la délégation régionale du HCR. Et notre reporter du jour nous expliquera comment la montée des eaux du lac Tanganyika a causé le déplacement de plus de 1800 ménages et la réduction de la production des poissons en province Rumonge. Et aujourd'hui, le système des Nations Unies a lancé aujourd'hui officiellement le plan de réponse humanitaire 2022. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour, et pour ouvrir ce journal, le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, a pris l'avion ce matin, ce jeudi, à destination de Nairobi au Kenya. C'est pour prendre part au sommet des chefs d'État sur la situation dans la région des Grands Lacs, selon un communiqué de la présidence de la République. Sans plus de précision, rien ne filtre non plus sur l'agenda de cette réunion qui se tient à huis clos à Nairobi, selon une source sur place. 947 000 Burundais, dont plus de la moitié sont des femmes et enfants, ont besoin d'une aide d'urgence cette année. Propos du coordonnateur résident du système des Nations Unies lors du lancement officiel du plan de réponse humanitaire 2022, c'était ce matin. Damien Mama estime que pour arriver à cette fin, ils ont besoin de 182 millions de dollars américains, ajoutant qu'au total, 1,8 million de Burundais ont besoin d'une assistance suite aux différents chocs, dont les catastrophes naturelles et les maladies. Toutefois, Damien Mama se félicite de la diminution du nombre de personnes dans le besoin jusqu'à 22%. On l'écoute. Et le nombre de personnes dans le besoin a diminué de 22% par rapport à 2021, ce qui est une bonne indication. Deuxièmement, après avoir identifié les personnes dans le besoin, on a identifié un groupe un peu plus réduit, mais qui est affecté par des vulnérabilités plus prononcées. Et le nombre de ces personnes s'élève à 947 000 personnes, et ça comprend quatre catégories. La première catégorie sont les paquets d'assistance immédiate ou bien transitoire qu'on apporte aux Burundais et Burundaises, donc les réfugiés burundais qui sont rapatriés dans leur pays. La seconde catégorie sont les personnes déplacées internes. Et vous savez, plus de 80% des personnes déplacées internes ici se déplacent à cause des catastrophes naturelles, notamment les inondations, les vents violents et la répartition inégale des pluies aussi. Bon, la troisième catégorie est composée des réfugiés provenant des pays amis du Burundi. Et puis la dernière catégorie, c'est celle des personnes qui ne sont ni rapatriées, ni réfugiées, ni déplacées internes, mais qui souffrent d'extrême vulnérabilité. Qui ont besoin d'assistance. Aux côtés des réponses d'urgence, nous pensions aussi à mettre en place les mécanismes durables pour prévenir les chocs, réduire la vulnérabilité et aussi augmenter la résilience des populations afin qu'elles puissent trouver les solutions elles-mêmes. Donc le plan de réponse humanitaire, c'est un plan de solidarité, un plan d'assistance aux personnes qui se retrouvent au milieu des chocs et qui n'ont pas les moyens immédiats pour faire face à cela. On a besoin de 182 millions de dollars au total pour 2022 pour assister les 947 000 personnes et cette solidarité internationale est nécessaire pour pouvoir répondre. Et trois personnes sont mortes, une autre a été blessée grièvement suite à un écoulement d'une montagne. C'était à 14h ce mercredi sur la colline Muhungwe de la zone Butana, commune Mabayi, c'est dans la province de Chibitoke. L'administrateur de cette commune dit qu'une autre personne est morte suite à un accident semblable il y a une semaine. Il continue en indiquant que l'administration avait pris la décision d'arrêter les activités dans ce chantier. Pour le moment, il affirme qu'après inhumation des disparus, les autorités administratives en collaboration avec les forces de l'ordre et la population de Muhungwe vont passer aux activités de remplissage de la fosse de ce chantier qui est très profonde, attirant beaucoup d'orpailleurs, sachant qu'il y a beaucoup d'or. Plus de 200 enfants ont été enregistrés avec retard à l'état civil durant le mois de mars en province Ngozi. La plupart de ces enfants naissent des grossesses non désirées portées par des jeunes filles, d'après le contrôleur provincial de l'état civil à Ngozi. Athanase Kiminakanwa pointe du doigt des parents qui, selon lui, accusent un grand relâchement dans l'encadrement de leurs enfants et demandent plus d'efforts afin de prévenir les conséquences néfastes de ces grossesses. Apollinaire Mozagara. Sur 2634 enfants qui ont été enregistrés au cours de ce mois de mars passé dans les 9 communes de la province Ngozi, 213 l'ont fait avec retard. Bon nombre sont enfantés par des jeunes filles qui portent des grossesses non désirées. Les pères refusent la reconnaissance de ces enfants et ces derniers sont finalement enregistrés sur leur mère avec comme père inconnu. Propos du contrôleur provincial de l'état civil Ngozi qui indique que parmi ces filles et mères figurent celles qui ont échoué en 9e année et qui n'ont pas eu la possibilité de continuer le poste fondamental. Le gros de ces dernières se rendent en ville selon Athanase Kiminakanwa chercher du travail. Certaines sont embauchées comme bonnes, d'autres comme serveuses dans les bistrots, etc. Ce responsable de l'état civil Ngozi explique cette recrudescence des grossesses non désirées par le relâchement dans l'encadrement des enfants par les parents. Il leur demande de se ressaisir en vue d'alléger la souffrance de ces enfants qui mettent au monde d'autres enfants. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Les femmes rapatriées de la colline Guivikara en commune Busoni réclament une assistance en tôle pour avoir accès à un logement décent. Lors d'un entretien avec la délégation régionale du HCR, venue s'enquérir de la situation de la vie des rapatriés ce mercredi, le directeur général du rapatriement leur a répondu qu'il est prévu une autre assistance à ceux qui n'ont pas été servis précédemment. Agnès Naumagadze. Comme l'indique le directeur général du rapatriement, Bimenyimana Nestor, une assistance de plus de 200 000 tôles est donnée aux rapatriés chaque année par le gouvernement du Burundi en collaboration avec le HCR. Malgré cela, les femmes de la colline Guibikara se lamentent qu'une partie parmi elles n'a pas bénéficié d'une assistance de tôle qui était destinée aux rapatriés. Étant donné qu'elles ont des faibles moyens d'existence, elles demandent une assistance en tôle pour avoir accès à un logement décent. À leur retour au pays, ils ont trouvé leur maison détruite par la pluie et les tentes utilisées pour les réhabiter. Et les tentes utilisées pour les réhabiter sont maintenant usées. Ils ont des difficultés pendant la période pluvieuse d'abriter leur famille et ils se servent l'une ou l'autre partie de la maison qui ne fait pas entrer de l'eau dans leur abri. Bimenyimana Nestor les tranquillise que le projet d'assistance ne pouvait pas les assister tous d'un coup, mais qu'il est prévu une autre assistance à ceux qui n'ont pas été servis. Depuis Kirundo, Agnès Naumagadze pour la radio Isanganiro. Merci Agnès Naumagadze. 17 jeunes Burundais ont été refoulés du Rwanda dans l'après-midi de ce mercredi. Ils sont accusés de n'avoir pas de papiers leur permettant de séjourner sur le territoire rwandais. La plupart d'entre eux étaient partis à la recherche du travail, comme il le précise. Certains avaient été appréhendés avant d'être casés dans différentes familles. D'autres venaient d'y passer quelques mois. Le gouverneur de Kirundo, qui les a accueillis, recommande aux jeunes qui franchissent la frontière illégalement de stopper ce mouvement car des risques sont multiples. Cette autorité a signalé que ces refoulés doivent d'abord passer dans l'isolement pendant 3 jours pour le test de COVID-19 avant d'être remis à leur famille. Il est 13h06 à Bujumbura et sur Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Je vous l'avais dit dans les titres, un hippopotame errant depuis quelques semaines à la recherche du pâturage dans la cellule Boumé du quartier Buterere 1 inquiète les habitants de cette localité. Le comité mixte de sécurité essaie de sensibiliser cette population pour éviter de s'en approcher et demande aux autorités compétentes de délocaliser cet animal. Audrey Akimana. Cet hippopotame dont il est question, quand nous sommes arrivés sur le lieu vers 10h, nous l'avons trouvé dans un tank d'eau se trouvant dans la série des Boumé du quartier Buterere 1 à quelques 10 mètres de la route. Les habitants de cette localité se disent inquiets par cet animal car il détruit les champs de son passage et ils ont perdu des gaz humains. C'est un animal, mais s'il habite avec la population, c'est un problème, car les animaux ne peuvent pas cohabiter avec les personnes. Ils nous distraient beaucoup, même les enfants arrivent à l'école en retard parce qu'ils prennent beaucoup de temps à regarder cet animal. Souvent, quand il arrive ici, nous fuyons tous. Dieudonné Nahimana, membre du comité mixte de sécurité, affirme ces informations et dit que de leur part, essaient de sensibiliser la population environnante de ne pas approcher cet hippopotame pour éviter les dégâts qu'il peut causer. Nous demandons au ministère de l'Environnement et aux autres qu'il faut prendre des mesures nécessaires pour éloigner cet animal des populations ou de le tuer, comme le faisait quand il sort du lac pour approcher les personnes. Ils ne font que détruire et menacer les gens. Cet hippopotame est apparu dans cette localité il y a à peu près 3 semaines en provenance de l'endroit où se fait le traitement des eaux usées dans le quartier Buterere. Audrey Akimana, stagiaire à notre station. 21 églises ont reçu un avertissement de fermeture et 8 autres ont écopé d'une amende de 20 000 francs burundais en commune et province Kayanza. Ceci ressort de la réunion de l'administrateur communal Kayanza avec les représentants de ces églises ce mercredi pour les informer de leurs irrégularités. Celles qui seront fermées d'après Gilbert Nyandoui, administrateur communal Kayanza, sont accusées du non-respect de la distanciation entre une église et une autre. Et celles qui occupent des salles de réception, des maisons de commerce et des habitations, ainsi que l'insalubrité et l'absence de latrines. Une période d'une semaine est le délai de recours accordé aux représentants de ces églises, après lequel ces mesures seront mises à exécution. La commune Kayanza compte aujourd'hui 150 églises dispersées à différentes collines de cette entité administrative. Veiller à la préservation des eaux du lac Tanganyika côté congolais, c'est l'objectif principal poursuivi par l'Atawama. C'est l'autorité du lac Tanganyika qui a officiellement lancé ses travaux en mairie d'Uvira mardi 19 avril 2022. Le responsable de l'Atawama, Didier Kadeli, ensemble avec le maire d'Uvira, Kiza Muhato, et le responsable de l'environnement sur place, Francine Mwangaza, ont participé à cette activité. C'est un reportage de notre correspondant à Uvira, Jérémy Kouima. L'objectif, selon le porte-parole des lacs Tanganyika Water Management et l'Atawama en sigle, c'est de protéger les lacs contre la pollution qui a des impacts sur la vie des poissons. Si les déchets qui sont produits au niveau des ménages ne sont pas collectés et gérés efficacement, alors les déchets finissent dans le lac Tanganyika avec toutes les conséquences que vous connaissez. Nous, en tant que projet l'Atawama, dans l'objectif de réduire cette pression anthropique dans la ville d'Uvira, notre objectif, c'est d'unifier un service de gestion des déchets solides. Notre appui passe par la mairie d'Uvira, mais nous travaillons également avec les associations qui sont déjà impliquées dans les actions de collecte de déchets solides ici à Uvira. Selon la responsable du service et de l'environnement en mairie d'Uvira, Mwangaza Binti Francine, cela arrive au bon moment. Le projet Latawama va nous accompagner dans le cadre des collectes des déchets et est comme objectif pour rendre notre ville d'Uvira propre. Donc c'est là qu'on a vraiment été achanté et restaurer au moins nos écosystèmes du littoral du lac Tanganyika. Parce que vous constaterez avec moi que le littoral du lac Tanganyika était considéré comme une poubelle ou un dépotoir public. Et là, comme conséquence, il y a eu perturbation maintenant de production sur le plan animal halieutique. Donc quand je parle d'animal halieutique, je cite le poisson. Donc il y a eu en tout cas une plus forte diminution sur la production à cause des déchets ou de dépotoirs, à cause du littoral qu'on a transformé en dépotoir public. Le lancement des travaux a eu lieu au bureau de la mairie d'Uvira en présence du maire Kiza Muhato et des responsables de ces projets, l'Atawama, basé à Bujumbura. Depuis Uvira, Jérémy Kouima pour Radio Isanganiro. Merci Jérémy Kouima depuis Uvira de la République démocratique du Congo. On reparle de la RDC où le gouvernement a annoncé hier l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Mais avant cela, le reportage du jour. À la source, reportage. La montée des eaux du lac Tanganyika a causé le déplacement de plus de 1800 ménages et la réduction de la production de poissons en province Rumonge, comme en témoignent la population et l'administration locale. Le gouverneur de la province Rumonge explique que le respect de l'environnement demeure la seule solution pour faire face au changement climatique et appelle la population à œuvrer pour la protection du lac. Charles Makoto. Si les livres du lac Tanganyika, des maisons, des lieux de loisirs et de séchoirs ont été inondés suite à la montée des eaux. Salomon Daikunda, commerçant sur le port de pêche de Rumonge, dit que son lieu de travail a été inondé. La production des poissons a été réduite durant la période de la montée des eaux. Des proles, Issa Harimana, pêcheur au port de pêche de Rumonge. Même son de cloche chez le président des pêcheurs de Rumonge, Gabriel Toyi, parle de la pollution du lac Tanganyika causée par la montée des eaux comme cause de la diminution des poissons. Là où il y a eu la montée des eaux du lac, des ménages ont été touchés et il y a eu des dégâts, notamment des déchets ménagers et ceux des lieux d'aisance qui se sont répandus dans les eaux du lac et cela affecte la santé des poissons et empêche leur reproduction. Donc, cette situation est dangereuse pour le lac Tanganyika et ça ne s'est pas passé seulement ici chez nous au Burundi. Il s'est passé la même chose dans d'autres 4 pays avec lesquels nous partageons ce lac. Côté le gouverneur consolateur Nitunga, gouverneur de la province Rumonge, trouve que seule la protection de l'environnement permettra de faire face au changement climatique et appelle la population et l'administration communale au respect des espaces protégés sur les rives du lac Tanganyika au moment où cette province s'étend sur plus de 60 km des rives du lac. Notre appel est que le respect puisse être observé. Le respect de 150 mètres, c'est une décision gouvernementale. Nous, en tant que population de la province Rumonge, nous sommes interpellés à respecter cette mesure. Les projets que l'on va exécuter dans cet endroit seront validés par ce même gouvernement. Il ne faut pas que l'on trouve des personnes qui exécutent des projets à cet endroit sans toutefois qu'ils aient une autorisation préalable de l'administration locale et validée par le gouvernement, notamment le ministère en charge de l'environnement. Plus de 40 ménages regroupés au centre Sénima, au chef-lieu de la province Rumonge, déplacés suite aux inondations de leur maison, réclament toujours d'être relocalisés dans un endroit plus sain. Charles Makoto est en République démocratique du Congo. Le gouvernement a annoncé l'augmentation des salaires des fonctionnaires et agents publics de carrière à partir de ce mois d'avril 2022. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a évoqué une hausse de 30%. Selon Jean-Pierre Liho, le vice-premier ministre, cette hausse sera progressive. Une autre augmentation est en effet prévue pour le troisième trimestre de cette année, cette fois de 45%. Le gouvernement congolais entend ainsi répondre aux demandes récurrentes des fonctionnaires concernant leur niveau de vie. Il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par François Akimana. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Passez un très bon après-midi.